Unité 5, phonétique. Exercice B. Avec. Sel. Bonbon. Paul. Content. Manger. Oral. Né. C'est. Coq. Voir. Observer. Pont. Sel. Actif. Chanter. Dents.